Jurien de Laye, CGT sindikatuko langileen ordezkariak errandaukunez, zuzendaritzak negoziazioaren ateari ideki ezean, grebarekin segitza egunetik egunera bozkatuko dute asanbladan bozka sekretu bidez. Une assemblée générale, c'est pour que tous les agents grévistes puissent s'exprimer, donc on a 84% des agents qui sont là. Au vu des négociations, la direction a refusé de nous recevoir, il n'y a pas de négociation, donc on se reverra et on revotera, et chaque jour on prendra une décision. Sei lanposturen desagertzeko arriskua dagoela salatzen dute, zentzefeko zuzendaritzak tren gidarien kopurua 79-tik 73-ra apaldu nahi baitu abenduaren 10-etik goiti eta apirilaz gero negoziazio maila irekitzeko galdea egina bute langileek. Han artean gaurko greba egunean Hendaia Akize arteko TEG zerbitzuak blokatuak dira eta autobusez ordezkatu ditu zerbitzu minimoak bermatuz zentzefak eta Hendaia Bordele arteko zerbitzuetan ordu beteko gibelapenak ematen ari dira Arkaxoneko geltokiko seminotek bermaturik. Dena bela, zerbitzu guztietan eragina du greba mugimenduak, CGT-ko delegatuaren arabera seminoten 84%a mobilizatua baita. Aujourd'hui la grève concerne les conducteurs de train voyageurs d'Hendaye et Bayonne, c'est les conducteurs de TGV et les conducteurs de TER intercité sont tous en grève aujourd'hui à 84%. Donc l'ensemble du plan de transport y compris TGV est impacté, les intercités, les trains corail, les trains TER et les trains TGV.